comprendre une conversation. Exercice 2. Excusez-moi, c'est bien le docteur Villemant qui consulte aujourd'hui ? Oui, pourquoi ? Parce que la dernière fois, c'était le docteur Lavor, sa remplaçante. Et avec elle, ce n'est pas la même chose. Ah bon ? Elle est pourtant gentille. Je l'ai trouvée très agréable. Moins froide que Villemant. J'ai aussi remarqué qu'elle essayait de ne pas prescrire trop d'antibiotiques. Oui, peut-être que le docteur Villemant est plus froid, mais il est plus sérieux aussi. Son diagnostic est précis, et ses explications me semblent plus claires. En plus, il recommande d'excellents spécialistes, et surtout, il sait prendre du temps avec ses patients. C'est bien le problème avec Villemant. Comme je travaille pendant ces heures de consultation, je n'ai pas le temps d'attendre une heure à chaque fois. Lavor est bien plus rapide. Ah, moi, vous savez, je suis à la retraite depuis l'année dernière, alors j'ai tout mon temps.